tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « Mon jumeau, le robot », une série documentaire de Maïlys Besri réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a le rêve un peu mégalo de donner vie à une créature, un soupçon de Frankenstein et ses automates grinçants censés jouer aux échecs. Il y a la fascination pour la machine, la miniaturisation et l'électronique, et ses films peuplés de silhouettes métalliques, amicales ou hostiles, et enfin la possibilité de trouver une chair à canon qui fasse moins cuire les consciences pour mettre la guerre à distance. Alors pour commencer, les personnages, des soldats, des pilotes de modèles réduits recyclés, des ingénieurs en robotique, des robots mules, Colossus, Rhino, Hercule et Sharkball, une hypothétique robot tueur, tendance terroriste et une chorégraphe. Ensuite le décor, des terrains d'aviation, le bourdonnement des drones dans le ciel, des zones de guerre, des incendies, comme le bruit de tondeuses au loin, la sensation d'un vol virtuel et du vent dans les pales des hélicoptères. Aujourd'hui, troisième épisode, qui a peur des drones? Target acquired. He is within range. If the operation. Il faut sauver le soldat robot. Maïlys Besri, Anna Schmuck. 3, 2, 1, launch. Il y a quelque chose de très fort qui va arriver et qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, on sait, il y a par exemple les drones qui sont des objets très intéressants qui peuvent servir à faire des choses merveilleuses, comme par exemple amener des nourritures dans les endroits où on ne peut pas arriver. Et il peut servir pour, je ne sais pas, sauver quelqu'un qui a un accident dans les montagnes. Blancali, chorégraphe. Mais aussi, les drones peuvent servir pour tuer. Mais c'est comme tout, ça veut dire que la robotique peut devenir quelque chose comme les armes utilisées pour les militaires, mais va pouvoir aussi devenir quelque chose qui dans le quotidien va changer notre vie pour nous aider peut-être pour millions de choses. Il y a maintenant par exemple des bras robotisés qu'on peut utiliser dans les hôpitaux pour soulever les malades. Il y a des gens qui n'ont pas des jambes qui vont réussir à marcher parce qu'ils sont des jambes exosquelettes artificielles. Et on va voir l'homme bionique un peu, non, avec des marceaux qu'on peut remplacer quand on a un problème. Je pense que toute cette révolution est aussi très bien pour l'humanité, même si ça peut faire peur, qui, comme tout, mal utilisé, peut devenir aussi quelque chose de dangereux. This whole drone thing, it's insane. If we'd had drones back then, I wouldn't have had to drop bombs on thousands of non-combatants. This technology is going to win us the war. J'étais perdu, Pierre. C'est revenu. C'est toujours bon là, Alex ? Ouais, c'est toujours bon. Là, je t'ai perdu. Là, je t'ai perdu, Pierre. Ok, je vous repasse en pleine puissance. 3, 2, 1, top. Ouais, c'est revenu. Je vais couper. 3, 2, 1, top. Ouais, c'est bon. Il y a toujours une campagne qui est menée par des organisations non gouvernementales, des ONG, qui vise à interdire le développement des armes autonomes. Raja Chatila, directeur de recherche à l'ISIR. Depuis 2013, il y a eu plusieurs sessions aux Nations Unies pour déjà discuter de la notion d'autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire une arme autonome? Une arme, on sait ce que c'est, mais une arme autonome, c'est quoi? Parce qu'il y a plusieurs sortes d'autonomie. Un drone qui vole tout seul, qui a un pilote automatique, c'est une certaine autonomie. En revanche, la décision de déclencher un tir sur une cible sélectionnée par le drone lui-même, pour prendre l'exemple du drone, c'est aussi une autre notion d'autonomie, cette décision. Et c'est là qu'il y a un problème éthique, dans le sens où on va déléguer à une machine la capacité de sélectionner une cible, des êtres vivants, des humains, et de tirer sur cette cible. Donc à ce moment-là, le militaire, l'homme, n'est plus dans la boucle de décision du tir. Alors qu'aujourd'hui, dans les règles d'engagement des armées, dans les conventions internationales, il y a toujours un être humain qui est responsable du déclenchement du tir. Philippe Bidot, quels sont les grands questionnements éthiques pour les chercheurs en robotique qui se spécialisent dans les questions militaires, dans la robotique militaire, puisqu'il y a la question effectivement létale? C'est une réflexion qui est une réflexion de société sur les technologies. Ce qui est derrière, ce sont des questions essentiellement d'autonomie dans la décision. L'intelligence artificielle questionne beaucoup plus, je pense, les sociétés que la robotique en tant que telle, qui est simplement une machine, finalement. Si on enlève la capacité de réflexion des décisions à ces machines, ce sont des machines tout à fait classiques, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on attend des robots dans le domaine militaire, justement? Il y a la question du recueil d'informations, des données. Oui, alors les grandes fonctions sont d'une part de pouvoir faire de l'observation à distance, soustraire l'homme à un certain degré de risque, la surveillance, parfois des tâches qui sont longues, surveiller un environnement pendant des heures et des heures, il est préférable d'utiliser de la technologie pour le faire, et puis tout ce qui est milieu dangereux, où il peut y avoir un risque à divers titres, naturellement, et puis là où aujourd'hui, il y a un intérêt, enfin, qui n'est pas naissant, mais qui est regardé de manière un petit peu particulière, c'est pour tout ce qui est logistique. Faire qu'on parle de robots-mules, enfin, vous en avez certainement vu aux États-Unis, des quadrupèdes ou autres qui servent à la logistique, à transporter du matériel pour accompagner les hommes sur le terrain, pour prendre part à des engagements voilà, qui feraient que leur capacité physique soit affecté. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Mélise Pesserie, oui. Consulture, on a rendez-vous avec monsieur Grand. Oui, je vous demande une carte d'identité s'il vous plaît. Oui. Merci. Laissez un message. Oui monsieur Grand, bonjour, c'est le poste de garde, il est 10h30, vous avez des visiteurs, nous attendons, merci. Voilà, monsieur. Merci. Oui, la poste de garde. Oui. Oui, je vous ai laissé un message. Les deux personnes que vous attendiez sont arrivées. Merci. Restaurant. On a une belle journée. C'est le vent surtout qui est gênant, non, pour faire les simulations? Oui, principalement le vent, surtout quand il y a des rafales en fait, parce que là on a des perturbations. Avec les drones? Oui, avec les drones. Puis aujourd'hui on peut avoir quelques difficultés à appréhender. D'ailleurs, c'est même des activités de recherche que l'on a. Hein. Comment faire pour rendre les drones résistants aux rafales? Non, c'est des gros drones, c'est pas des mini. Alors, les drones de différentes tailles, de toute façon, je vais vous montrer. Là, vous avez une présentation. Je vais vous présenter l'équipe. Donc, ici, Yoko Watanabe qui travaille avec nous sur tout ce qui est aspect commande des drones, planification, différentes thématiques. Vous êtes avec nous cet après-midi? Tout à fait. On doit raconter ce qui se passe. C'est vous qui allez les piloter, les drones? Non, c'est le pilote, il est dehors. C'est le monsieur qui est dans le camion dehors, dans la station sol. Présenté. Et puis il y a également Augustin, qui est encore là. Autopilote. Je fais qu'il vole tout seul. Depuis votre écran. Depuis mon écran, ouais. Exactement. Le pilote, ça veut dire quoi? C'est le pilote de sécurité. C'est celui qui le fait décoller, atterrir et qui le reprend en cas de défaut, de problème. Ou s'il fait quelque chose qu'il n'est pas censé faire. Mais ça aussi, il le fait à distance. Tout à fait. Avec une radio commande. Allez, continuons la visite. On va essayer de s'installer par ici. Je vais chercher des petites choses à vous montrer. Christophe Grand, ingénieur de recherche à l'ONERA. Il y a plusieurs départements scientifiques différents. Et l'activité drone pour une, et robotique, pour une grande part, se trouve dans un département qui traite des systèmes, de l'information, de la modélisation et des systèmes. Quoi. Tout ce qui est, en général, on appelle ça les nouvelles technologies, la communication et l'informatique. Quoi. Les travaux de recherche que l'on mène ici sont des travaux de recherche en robotique et en système autonome, avec des applications qui sont à la fois dans le domaine civil et dans le domaine militaire, et qui concerne aussi bien l'inspection d'ouvrages d'art, la surveillance de sites, la recherche de victimes, par exemple, post-catastrophe, suite à un tremblement de terre, par exemple, l'utilisation des drones pour aider les secours à avoir une réponse rapide, et un des points importants aujourd'hui que l'on traite à travers divers projets. Et tous ces éléments-là ont des applications duales, finalement, hein, que ce soit civil ou militaire. Fais comme ça. Je monte à pied parce qu'il n'y a plus ma place. Tiens. Oh, c'est bon, je vais laisser la place. Ouais. Drone signifie faux bourdon en anglais. Une analogie liée à la lenteur et au bourdonnement caractéristique émis par les premiers appareils du genre. Les drones, ou UAV, Unmanned Aerial Vehicle, sont des engins volants sans équipage, télécommandés ou programmés et récupérables. Les drones militaires connaissent un emploi croissant dans les armées du monde entier. Philippe Bidot, directeur scientifique du domaine traitement de l'information et systèmes à l'ONERA. Bon, aujourd'hui, beaucoup des technologies dites militaires sont partagées par le civil. Elles sont développées dans une logique que l'on dit duale, c'est-à-dire à des usages qui soient civils ou militaires. Prenez les drones, par exemple, ou les mini-drones, vous les voyez se développer avant tout pour des applications civiles. Et c'est ce marché civil qui tire la technologie. Pour les mini-drones en particulier, je pense que pour la robotique terrestre, ça a été également le cas. Vous voyez des robots pour des finalités agricoles qui sont, disons, reconvertis pour des usages militaires. Voilà, bon, ce ne sont pas des technologies spécifiques. Ce qui définit cette fonction, c'est la complexité de l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Bon, il vous faut les moyens adaptés. Ce n'est pas forcément destiné uniquement à des besoins militaires. C'est sûr que les investigations qui sont menées et poussées par les militaires permettent aussi de faire avancer les technologies. Mais dans le domaine de la robotique, les drivers, ce sont des marchés civils. La particularité de ce terrain, c'est que sur cette zone-là, nous avons une autorisation permanente de vol qui nous a été donnée par la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui est l'organisme régulateur des opérations aériennes. Nous avons, par exemple, une activité, nous, qui est quand même majoritairement pure les robots volants, donc ce qu'on appelle communément des drones. On a des drones à voilure fixe, donc c'est-à-dire les drones qui ressemblent à des avions, avec un élément de propulsion, et également des hélicoptères, donc ce qu'on appelle aussi dans notre jargon les drones à voilure tournante. Et là nous avons différentes catégories de drones par taille et masse. C'est un critère qui est assez important, la masse du drone par rapport au danger objectif qu'il représente dans sa mise en œuvre, mais aussi à sa capacité d'emporter des capteurs et de réaliser une mission. Il y a des drones qui sont beaucoup plus gros. Eh oui. Dans lesquels un homme ne pourrait pas rentrer, mais... Donc les plus gros drones que l'on a font environ 100 kg. C'est celui que vous voyez là actuellement. Donc l'intérêt de ce type de drone pour nous, c'est d'être capable de transporter des capteurs qui peuvent être assez volumineux et assez lourds. Donc l'intérêt, c'est qu'on puisse les embarquer pour pouvoir faire des pré-tests avec, pour pouvoir après envisager des travaux de recherche sur la miniaturisation de ces capteurs, pour pouvoir les intégrer sur des drones de plus petite taille qui sont quand même malgré tout plus simples à opérer et plus couramment utilisables. Donc c'est ce que vous recherchez ? Exactement. La miniaturisation est un des axes forts de nos travaux. Donc là, vous voyez finalement les deux drones que l'on va opérer cet après-midi. Donc là, on a un drone dit à voilure fixe, donc un petit avion qui fait environ 5 kg et qui a une envergure d'environ 1 mètre. Il est tout léger, on dirait, il est en polyester. Voilà, c'est donc des matières qu'on utilise le plus souvent, effectivement, de mousse expansée. Donc cet avion-là, il va être mis en œuvre pour réaliser de façon automatique une mission de déplacement. Donc on lui donne quelques objectifs, des points à rallier, et le robot est censé les rejoindre de façon sécurisée. Comment il réfléchit ? Il a des petits capteurs dessus, sur les côtés ? Alors effectivement, l'architecture classique de contrôle d'un système robotisé s'appuie à la fois sur des processeurs, des cartes processeurs qui sont capables donc de faire du calcul, des capteurs qui sont capables de mesurer l'état du drone et éventuellement son environnement. Donc c'est ses yeux, ses oreilles. Voilà. Et puis des actionneurs sur lesquels on va varier finalement les niveaux de tension pour pouvoir les piloter. J'attends l'opérateur qui surveille les paramètres de vol. Mètres. Ah, la voie bien. Ouais, pour l'instant ça a l'air d'aller, mais fais un peu de plat que je me rende compte mieux. Bon. 110 mètres. 120 mètres. 115 mètres. Bon, après où t'es par là-bas, j'ai pas trop de 110 mètres. T'as éteint la biroute, Augustin ? Ouais, ça serait sans pire. 100 mètres. Pour l'instant la centrale elle est d'aller plutôt bien. Ouais, stationnaire, 83 mètres. Donc à partir de la phase stationnaire, donc il tourne en cercle de façon autonome, il gagne un point d'attente. Et là, il vole tout seul. Voilà. Et au début, c'est vous qui l'avez télécommandé ? Voilà, un manuel pour tester, pour voir si tout fonctionnait correctement. Et suite à cela, j'ai passé en mode automatique, stationnaire. Et là, il se débrouille ? Oui. Il a été programmé pour aller d'un endroit à un autre ? Là, le stationnaire, c'est n'importe où on bascule en stationnaire, il se met en automatique. Et j'attends qu'Alex soit d'accord pour le mettre sur une route. D'accord. Cyril Gabara, cofondateur et associé de la société Shark Robotics. Quel type de pont et de collaboration il y a entre les ingénieurs des entreprises comme la vôtre, comme Shark Robotics, et les personnels de l'armée qui sont demandeurs d'un certain type de produit ? Alors, tout va partir d'une expression de besoin des forces armées ou de l'utilisateur final qui a une certaine... Ils vont dire, voilà, on est confronté à tel type de problématique bon, qui nous engage à certains risques. On aimerait bien diminuer le risque ou nous faciliter la tâche dans certains types de domaines. On va réfléchir sur un prototype qui ensuite vont tester pendant un certain temps, ce qui va nous permettre d'avoir un retour d'expérience et pouvoir fiabiliser le produit, le développer perpétuellement pour vraiment correspondre au mieux aux besoins des utilisateurs finaux. Ça fait quelques années, si vous voulez, qu'on voit l'explosion du monde de la robotique, notamment dans les drones terrestres, au profit de la défense. C'est dans la défense, dans un premier temps, il y a à peu près 7 ans, que s'est développé donc le monde de la robotique, je parle vraiment des drones terrestres. Et aujourd'hui, avec des principales missions qui vont être d'abord la surveillance et la reconnaissance. Donc, c'est-à-dire reconnaître un axe, permettre à des fantassins, avant de s'engager sur un axe ou sur une route, de pouvoir envoyer un petit robot de reconnaissance, donc tout petit, Ça peut être un robot à roues, ça peut être un petit serpent comme on a pu le voir chez les Israéliens ou chez les Américains qui développent ce genre de produit pour pouvoir reconnaître l'axe, vérifier qu'il n'y a pas d'ennemis dessus ou de choses qui pourraient être suspectes et dangereuses. Donc ça, c'est la première des missions. La seconde mission, ça va être tout ce qui est assistance à l'homme, assistance et soutien technique. Donc ça va être par exemple porter des charges lourdes. Aujourd'hui, il y a toute une gamme de robots qu'on appelle mules pour multifonctions, qui vont permettre, si vous voulez, d'alléger le poids du combattant et surtout du fantassin, qui est très lourdement équipé. Donc c'est des robots qui portent ? Ça va être des robots qui portent, exactement, voilà. Qui permettent de porter soit des charges très lourdes, soit d'alléger le poids du combattant, donc en portant des sacs. Et ensuite, ils vont se mettre en mode tracking, par exemple, c'est-à-dire ils vont suivre les fantassins derrière pour pouvoir justement les escorter, les appuyer. Ça peut aussi porter des blessés, le cas échéant, porter des munitions pour donner des, comment dire, du soutien aux combattants lors de contact. Donc c'est tout ce genre de mission qu'on va dire, on va englober dans la fonction un peu assistance et soutien technique aux forces armées. Il y a un certain nombre d'entreprises, est-ce que elles sont nombreuses, qui justement se sont spécialisées dans le développement de robots liés à l'armée ou aux corps associés, que ce soit gendarmerie, police? Alors aujourd'hui, si vous voulez, quand on regarde un peu le marché mondial, 50% des commandes et des demandes sont adressées par les forces armées essentiellement. En termes de robotique, vous voulez dire ? En termes de robotique, notamment dans les drones terrestres. Si vous voulez, pour parler un peu du marché, le marché des drones terrestres, c'est un marché qui est en train d'exploser. On était à peu près sur un marché qui faisait 1,7 milliard de dollars en 2014. Et d'après les projections, on atteindra 20 milliards de dollars, 19 milliards exactement, d'ici 2020. Avec 50% des besoins pour la défense. Après, on touche tout de suite à des domaines civils comme la logistique, l'agriculture aussi, tout le parc d'engins agricoles. Ne serait-ce qu'en France, ça représente 6 milliards d'euros. Donc tout ça, c'est des potentiels de développement pour de la robotique, pour pouvoir justement automatiser tous ces systèmes-là. La route est là, et la maison ? C'est le 8, c'est... L'atterrissage, non, c'est celui-là, là. Celui-là ? Ouais. Bah vas-y, fais un statio et on va voir. Ouais. Non, ça c'est l'atterrissage. Oui. Là ? Ouais, celui-là. Je me retrouve un peu dans le... Et retour maison, il doit être prioritaire sur la route, non ? Route, retour maison. Ah oui, non, il n'y a pas de route sur celui-là parce que c'est moi qui l'envoie la route en manuel, donc c'est bon. Là c'est une autorisation seulement, donc c'est bon. Manuel. Ouais, manuel, on peut faire la partie. Mets les manches en bas, sinon on va le... Ouais. Merci. Donc à toute manip de la journée, on refait des essais de portée. S'il y a eu des évolutions au point de vue charge utile, équipement, on repart toujours sur une base. Moi c'est la radio. Ouais, manche en bas. Ouais, garde le manche en bas, sinon ça va les perturber. Donc là, Alex, il y a un taxi qui va venir à le coin, je suis sur le premier repère. Eh ben c'est très bien, tu peux aller au second. Je suis au second repère, Alex. C'est tout bon, Pierre ? Tu peux faire un essai de coupure ? Je fais une coupure, 3, 2, 1, top. Ouais, c'est bon, parfait. Très bien. Tiens, regarde Augustin, une distance qui te fait rêver. Et après, on peut faire la chose et le spatio dans la foule. Et après, j'y vais. Le panneau de vol, il faut toujours rester derrière moi. Derrière vous. On va le mettre en stationnaire ici. Et vous allez marcher vers là ? Rester ici. Donc je mettrai derrière vous. Voilà, et en général, là où je suis, normalement, il n'y a pas de risque. Donc en gros, on va le démarrer. Après, je vais maintenir manuel pendant à peu près 2 minutes de chauffe pour voir que tout se passe bien. À partir de là, je vais faire monter à peu près à 20 mètres d'altitude. On va passer en stationnaire automatique, voir avec les conditions météo du jour, comment il se comporte. On repose. Sachant qu'il y a un peu de vent. Voilà, et on fera après la suite en fonction de ça. D'accord. Que vous sachiez à peu près ce qui va se passer. Comment est-ce qu'on devient pilote de drone ? Mais au départ, du moins moi, c'est par modélisme que je suis arrivé à faire ce travail. Mais j'ai commencé il y a un peu plus de 20 ans. Donc il n'y avait pas de gens, vraiment, il n'y avait pas de formation ni rien côté opérateur drone. Donc c'est parce que vous faisiez du modélisme que vous avez été recruté ? Oui, c'est ça. Un peu plus présent. Ça commence à prendre. Alex, tout est bon? Ok, très bien. Combien? Parle moins fort. Ouais, mais parle moins fort. Et baisse le son. Parce que là, je peux pas me le baisser de mon côté. Donc effectivement, il y a plusieurs corps de métier qui sont impliqués dans ces opérations. L'ONERA se concentre sur la recherche en la matière et l'ONERA en même temps est rattaché au ministère de la Défense. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a quand même une activité qui va effectivement pour le secteur de la Défense, mais également pour l'aérospatial civil, mais également un certain nombre d'activités pour le transport. Donc tout ce qui est aviation civile est un des gros sujets qui sont traités à l'ONERA. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un lien avec les développements que l'on fait sur les drones. Un certain nombre de technologies qui auront peut-être un usage dans l'aviation civile sont actuellement testées sur des drones. Tout simplement, le drone est aussi la possibilité de faire des expériences de façon contrôlée et à une échelle plus réduite de systèmes qui pourraient équiper bientôt les avions. Je pense notamment à dispositifs qui permettent d'aider à l'atterrissage. Donc aujourd'hui, on utilise des systèmes de radioguidage et on envisage d'utiliser également des systèmes de vision qui permettent de localiser plus précisément l'avion par rapport à la piste et donc d'aider le pilote et les fonctions de pilote automatique dans les phases d'atterrissage. Donc ça aussi, c'est un peu un exemple de retombée des travaux de recherche qui sont réalisés sur les drones. Ok, je vais passer en mode 3 et statio. Mode 3. Statio. Donc là, il est en automatique, en stationnaire. Christophe Grand, la mission de cet hélicoptère, elle consistait en quoi, la mission de ce drone hélicoptère? Donc là, l'objectif de l'expérimentation qu'on souhaitait faire, c'est faire un vol au-dessus d'un bâtiment et d'utiliser le capteur de perception LIDAR, qui est donc laser, qui est placé devant sur le drone pour créer un modèle 3D de l'environnement, notamment du bâtiment en question. Il est dans les pompes, là? Pourcentage de gaz? C'est 51%, Pierre. Après, le vent qu'il y a, c'est normal. Donc là, typiquement, les deux drones qu'on a vus aujourd'hui, il y a un drone de type avion et un drone de type hélicoptère. Donc déjà, une différence fondamentale entre les deux, c'est que l'avion est en déplacement permanent, alors que l'hélicoptère peut se mettre en ce qu'on appelle point stationnaire, c'est-à-dire en point fixe. Et donc ça, c'est assez intéressant pour tout un tas de fonctions. Donc les fonctions de perception, quand on veut mesurer localement au-dessus d'un bâtiment ou surveiller une zone en particulier, mais ça peut être également pour des fonctions que l'on commence à adresser à travers des projets de recherche, d'interaction avec l'environnement, par exemple aller déposer ou attraper un objet. Donc ça, c'est important d'avoir cette fonction de stationnaire qu'on n'a pas, ou de façon un peu différente avec un avion. Il se fait bien chahuter par contre, hein? Pardon? Il se fait bien chahuter. Et ça travaille beaucoup, hein? Bah, j'ai perdu les gaz, Pierre. J'ai perdu le contour des gaz. Tu pourras le reprendre? Mode 3, manuel. Manuel, c'est toi, Pierre. Parce que j'ai toujours 51% de gaz, donc c'est un peu bizarre. Il y a évidemment des robots qui s'adaptent à différents types de terrains et de territoires. Il y a ce qui se passe dans l'air, sur terre et dans l'eau. Alors tout à fait, c'est des marchés bien distincts. Cyril Cabara. On a vu en fait, il y a déjà il y a de ça 10 à 15 ans, 15 ans maintenant, le marché des drones aériens qui s'est développé en premier lieu. Parce que c'est beaucoup plus facile, si vous voulez, de faire voler une machine dans un environnement qui va être homogène, c'est-à-dire l'air, que par rapport aux drones terrestres, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des typographies, des topologies de terrain qui vont être vraiment différentes. Et donc, ça va complexifier un peu la chose, notamment pour les ingénieurs en développement. Donc aujourd'hui, on a bien sûr aussi toute la partie navale. Donc on va avoir des drones sous-marins et ce qu'on appelle aussi des drones de surface. Donc ils vont rester tout simplement à la surface de l'eau pour pouvoir faire des relevés ou encore des missions de reconnaissance ou autres. Pour la partie des drones terrestres, effectivement, aujourd'hui, il y a différents types de motricité qui permettent d'aller sur différents types de terrains. Ce que cherche aujourd'hui, notamment dans le monde de la défense, c'est des drones qui vont être modulables et polyvalents. Par exemple, si je vous prends l'exemple du robot qui s'appelle le Colossus, donc c'est un robot qu'ont fourni les sapeurs-pompiers de Paris. Donc c'est le futur robot d'intervention et d'assistance. Donc c'est un robot, en gros, chenillé, qui fait 1 mètre de haut pour à peu près 1 mètre de large. Il est rouge aux couleurs des pompiers. Voilà, il est rouge aux couleurs des pompiers. Il fait 430 kilos à peu près. Et il permet, en gros, d'assister les pompiers dans leur mission. Ça veut dire, par exemple, éteindre des feux. Donc, il va être équipé d'un canon à eau qui va pouvoir, si vous voulez, permettre d'aller là où les pompiers n'iront pas puisque les températures vont être trop élevées. Par exemple, dans des tunnels, les températures sont très rapidement très très fortes ou quand il y a des risques d'explosion. Typiquement, quand une voiture prend feu, bon, ça va être compliqué d'aller au devant du véhicule, notamment quand il est vide. Donc ils vont envoyer justement ce robot pour pouvoir éteindre le feu et ça permet justement d'éloigner l'homme du risque. C'est vraiment la stratégie de l'entreprise. Alors ça permet aussi de porter de l'équipement, donc alléger les pompiers. Ça permet aussi de porter des blessés si nécessaire. C'est un petit appareil donc qui est très puissant, puisqu'aujourd'hui bon, c'est équipé d'à peu près deux moteurs de 4000 watts, donc ça fait à peu près une puissance. Il peut porter jusqu'à 500 kg et tracter jusqu'à 2 tonnes. Donc c'est assez puissant. Il y a ce robot qui s'appelle Rhino. Exactement. Qui intervient dans le domaine plutôt militaire. Tout à fait, oui. On développe le Rhino. Donc là, c'est un robot d'intervention et d'assistance technique polyvalent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'équiper d'un canon à eau pour le déminage. On va pouvoir l'équiper d'un bras, ce qu'on appelle multi-axe, donc 6 axes, qui va pouvoir bouger dans toutes les directions pour pouvoir attraper un colis suspect, déplacer des choses. Ça peut être aussi de l'armement dans certains cas. Comment ça marche à un robot de déminage ? Vous avez tout simplement une connexion filaire avec le robot. Le démineur va se mettre derrière le robot, va le piloter à distance avec un écran tactile qui permet justement de manœuvrer le robot, va l'approcher au plus près, va s'approcher du colis suspect, va vérifier justement s'il n'y a pas de câblage ou des choses qui pourraient piéger la zone d'intervention. Et ensuite, à l'aide d'un canon à eau qui va être installé justement sur le robot de démineur, va pulvériser directement la charge ou le colis suspect. Avec de l'eau ? Oui, tout à fait, avec de l'eau. C'est de l'eau à très forte pression qui va être envoyée très rapidement. Attendez. Allez-y. Il y a d'autres outils qui ont permis justement de faire évoluer, Céline Cabarat, les situations justement de terrorisme. Vous avez cette balle qui permet d'illuminer les pièces, qui a été utilisée par le GIGN. Oui, tout à fait, la Shark Ball, oui, exactement. Alors c'est un produit en développement, à la demande encore une fois donc des unités d'intervention. C'est une petite balle de quelques kilos qui va contenir énormément de LED qu'on va pouvoir jeter à travers une fenêtre, pour briser une fenêtre par exemple, et jeter dans une pièce pour pouvoir éclairer très fortement la zone d'intervention, qui va permettre d'éblouir à la fois les gens qui y sont et donner une vision 360 degrés au groupe d'intervention qui va pénétrer dans la pièce. Elle peut être équipée soit de LED qui vont projeter ce qu'on appelle des lumens, donc c'est vraiment des lumières qui sont très puissantes, ou alors des infrarouges. Donc des infrarouges, c'est des lumières qui ne sont pas visibles à l'œil nu et qui nécessitent d'avoir des jumelles de vision nocturne pour pouvoir voir dans la pièce. Donc tous les opérateurs des forces spéciales ou du GIGN ont des jumelles de vision nocturne, ce qui leur permet de voir comme en plein jour quand les personnels dans la pièce, eux, ne verront pas. C'est un produit qui peut être aussi jeté sous l'eau et pour éclairer à 30 mètres autour de la sous l'eau, donc c'est complètement étanche. Ou encore qui peut servir aux pompiers si jamais ils doivent éclairer une pièce en plein incendie ou quand il y a un environnement, on va dire, nocif dans la fumée. Tous les robots que vous fabriquez sont commandés à distance ? Oui, soit au travers de commandes, comme d'ailleurs une tablette tactile avec un retour vidéo pour voir un peu où se situe le robot, ou alors par exosquelette. Donc en fait, si vous voulez imaginer une plateforme roulante, le buste d'un homme, ça va être un robot humanoïde qui va permettre d'aller dans des zones contaminées par exemple, ou dans des zones environnement, ce qu'on appelle NRBC, donc nucléaire, radiologique, biologique ou chimique, ou encore dans des domaines liés à l'amiante par exemple. Et qui vont permettre, vous voyez, de faire des tâches répétitives ou dangereuses pour l'homme. Et donc, l'opérateur, plutôt que d'être confronté à cette menace, va être en retrait, va porter un exosquelette, et le robot va reproduire ses mouvements. Donc, l'opérateur va avoir simplement un oculus. Donc, à distance, il porte l'exosquelette qui commande le robot ? Exactement, tout à fait. L'exosquelette va commander le robot, et l'opérateur va avoir un retour direct par vidéo de ce que voit le robot en temps réel. C'est un chantier comme un autre, enfin presque. Ce matin, au milieu des ouvriers, l'un d'eux portait cet étrange appareil, un exosquelette. Ce modèle a été spécialement adapté pour une tâche bien précise, le tirage au râteau. Un travail pénible, jusqu'à 30 tonnes de revêtements étalés par jour pour une seule personne. Alors forcément, une machine dont le but est d'offrir une musculature supplémentaire, ça peut aider. Philippe Bideau, dans le domaine militaire, il y a aussi toutes ces technologies qui permettent d'augmenter les capacités humaines. Oui, alors on parle d'exosquelettes notamment qui donnent la possibilité d'envisager... Alors il n'y a pas que les capacités physiques, il y a aussi les capacités de perception qui peuvent être augmentées. On fait de la réalité augmentée avec des caméras, on projette de l'information dans des casques, enfin quels que soient les moyens, et on peut donner par exemple la capacité de vision nocturne, enfin tout un tas de technologies peuvent permettre d'augmenter les sens de l'homme, mais aussi ses capacités physiques. On a une société en France qui développe ce genre de technologie, qui est un des leaders au moins européens, et l'objet c'est de permettre de par exemple faciliter le transport de charges ou n'importe quelle fonction de déplacement avec beaucoup plus de facilité que l'homme ne peut avoir par ses moyens propres. On fabrique des super soldats avec des exosquelettes. On augmente leur capacité, effectivement. Mais bon, on peut se dire aussi que d'avoir un moyen qui suit, on a fait des robots pour faire du suivi d'un fantassin, de ce qu'on appelle le follow me. Le robot sert cette fois à transporter des choses qui sont utiles aux interventions et qui n'ont plus besoin d'être portées par les opérateurs. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple d'exosquelette ? Vous avez un exemple en tête ? On connaît Hercule en France. On a un robot Hercule qui a été développé par une société française qui s'appelle RB3D et qui va connaître, je pense, encore des développements pour faire que les capacités des fantassins soient encore plus augmentées dans leur mobilité, dans leur agilité. Il y a encore beaucoup de limitations dans ces technologies. On n'en est finalement que... pas l'âge de pierre, mais bon, ce sont encore des choses qui peuvent beaucoup évoluer. Qu'est-ce qui fait Hercule ? Hercule, entre guillemets, vous transporte. C'est une carapace. Il marche avec vous, c'est une carapace, tout à fait, que vous attachez. Enfin, il y a des points de fixation sur l'anatomie, notamment au bassin, sur les jambes, et ensuite, eh bien, vous marchez avec lui, et s'il pouvait courir, vous pourriez courir avec lui, et il transporte, il reprend un certain nombre de charges peuvent être transportées par ce moyen et non plus par l'homme. Et c'est un fonctionnement très synergique avec le système, on va dire, musculo-squelettique de l'opérateur. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire pour augmenter leur transparence, enfin tout ce qui perturbe encore, disons, le comportement physique de la personne du fait de la présence de ces systèmes. Il y a beaucoup de travaux encore qui doivent être entrepris, mais bon, on voit des systèmes qui présentent une forte potentialité, ça c'est évident. Donc là, c'est les derniers tests de la journée, c'est des tests relativement simples. Je parlais de sécurité dans la mise en œuvre des drones. Donc en permanence, on vérifie un certain nombre de choses. Là, on va vérifier les propriétés de portée du signal de télémétrie, qui est un signal extrêmement important pour nous pour vérifier l'état de santé du drone pendant le vol. La télémétrie, c'est récupérer les informations d'état à distance. Donc les informations d'état, ça va être la position, le régime moteur, des informations de fonctionnement interne du drone. Comment va le drone ? Voilà. Son état de santé, en quelque sorte. Et les systèmes étant de plus en plus complexes, on intègre un grand nombre de capteurs, il y a de plus en plus de perturbations électromagnétiques entre les différents signaux qui sont émis. Et donc pour nous, il est important de vérifier, quand on intègre des nouveaux capteurs, des nouveaux dispositifs, qu'on n'a pas de problème de perturbations électromagnétiques et de le faire en conditions réelles, donc à l'extérieur, en plein champ, etc. Donc là, c'est le dernier test que l'on va faire pour aujourd'hui. Avec un avion qui ne vole pas. Avec un avion, là, en l'occurrence, qui ne va pas voler. Pas nécessaire. Au sol. Et oui. Ah, il se met à faire froid, il y a du vent. Ça peut aller vite, hein. Ah ouais. La température peut chuter rapidement. Hein. C'est... À cette saison, effectivement, à midi, il peut faire, sans vent, un bon 18-20 degrés, agréable, et descendre à 10 degrés très rapidement. Du coup, on va commencer un peu à plier les autres manips. Stop, je t'ai perdu. Ouais, c'est bon, je t'ai retrouvé. Ok, donc ouais. Tu peux mettre le deuxième plot là et... Et donc là, c'est bon. Ouais, donc du coup, on obtient les mêmes choses qu'avec les autres caméras. Hein. Ouais. Tu veux que je compte le nombre de pas maintenant ? Ouais. Ouais, vas-y, compte le nombre de pas. Donc en fait, on a fait la même manip hier avec un autre type de caméra qui fonctionne avec un bus plus rapide qui du coup crée plus de perturbations. Et le constructeur, après, sur les radiocommandes, nous donne des performances qu'on est censé obtenir. Donc après, on vérifie juste, et si c'est pas bon, bah on est obligé de retravailler sur la partie électrique, le cœur électrique de l'engin pour adapter, et jusqu'à obtenir les performances attendues pour pouvoir faire des vols en toute sécurité. T'es à combien alors ? Donc on passe de 28 à 60. 28 à 60, ouais, c'est ça. Ouais, donc on a 50% quoi. Mais au final, hier, on était même un peu plus loin. Mais bon, après... Là, on pourrait refaire les autres. On peut refaire avec les autres. Descenser les pommes. Comme ça, on a les mêmes configurations. On fait le même test le même jour. Parce que vu l'activité solaire aujourd'hui, j'ai obligé de changer. Thank you. Est-ce qu'il y a des technologies qui ont changé le paradigme, ont changé justement la donne en termes d'intervention après des forces? Oui, ça change le concept d'emploi des forces armées. On voit notamment à Singapour aujourd'hui, ils ont redimensionné en fait le cadre d'emploi par exemple d'une section ou d'un peloton. C'est-à-dire que dans chaque section, ils vont intégrer un robot justement pour pouvoir fournir de l'assistance à des hommes. Maintenant, dans l'armée française aujourd'hui, c'est le cas aussi, notamment pour les missions de reconnaissance et de surveillance. Il y a des petits drones, tout petits drones, faits par Nexter Robotics aujourd'hui, qui vont permettre d'être déployés justement pour surveiller, faire de la reconnaissance d'axes, reconnaissance d'itinéraires, avant d'envoyer justement des fantassins sur le terrain. Donc ça change vraiment le paradigme d'intervention. Bon, c'est pareil pour par exemple les forces spéciales ou le GIGN, qui réfléchissent effectivement à l'emploi de robots armés, notamment en intervention, quand il y a par exemple un forcené ou un groupe terroriste dans une pièce, pour éviter, si vous voulez, que le premier homme doive aller au-devant du contact, ouvrir la porte et potentiellement tomber sur une ceinture explosive. D'où là, l'emploi, encore une fois, d'un robot qui va permettre justement d'enlever la peur, puisque derrière, ça va être un opérateur derrière ce robot. On va pas parler de robot tueur qui va prendre des décisions tout seul, mais il va y avoir un opérateur qui va décider de faire feu, de choisir les zones d'impact, et surtout va pouvoir avoir les yeux grands ouverts, et ça va enlever un peu cette sensation de recul pour le premier homme. C'est un robot quoi? C'est un robot bipède? Non, c'est un robot chenillé avec une tourelle qui va pouvoir monter des escaliers, arriver sur des zones d'intervention, peu importe, que ce soit une maison ou à l'extérieur, avec justement une tourelle et des éléments de vidéo et de photos pour justement pouvoir avoir une situation pour l'opérateur, une mise en situation directe dans la pièce. Eyes on the objective. Anytime, day or night, drones are in the sky above whatever godforsaken place we're at war with that day. Engage at your discretion. Three. Good kill. Philippe Bidot, ça veut dire que cette inquiétude, par exemple, en ce qui concerne le détournement de robots civils à des fins terroristes ou malveillantes, etc., d'une certaine manière, elle est justifiée, inquiétude. Oui, bien sûr. Oui. Oui, je pense qu'il y a des choses relativement simples à mettre au point et qui peuvent être avec, disons, une portée inquiétante, avec des technologies du commerce. Vous allez à la FNAC, vous pouvez faire des choses qui soient de nature à nuire aux populations, c'est sûr. C'est un peu la limite de ce double système d'évolution de technologique qui fait que le domaine civil et le domaine militaire ont les mêmes technologies. Après, je pense que les cadres, disons, des conflits évoluent énormément. Ils empruntent à des technologies. Avec un téléphone mobile, vous pouvez faire des dégâts. La technologie est beaucoup plus diffuse et on détourne des technologies effectivement grand public pour les transformer en objets qui peuvent avoir une certaine capacité de nuisance. The war is now a first-person shooter. Hi, Dad. Half of you were recruited because you are a bunch of gamers. Light them up. Warheads on four. So what'd you log? 6 tours, 200 combats before you got here. Is it so bad? You're still making people safer, right? Rifle when ready. This is the way. God damn it, what's that? Abort? Negative. Rajesh Attila, comme à chaque développement de nouvelles technologies, il y a toujours des craintes de mauvais usage de certaines technologies ou de développement secret, de détournement. Il y avait eu des débats sur ce qu'on avait appelé les robots tueurs. C'est ça. Les robots tueurs, c'est ça. Je n'ai pas utilisé ce terme parce que, bon, il est un peu fait pour choquer, disons. Mais ce qu'on appelle armes autonomes ou armes létales autonomes, parce qu'il y a des armes qui ne sont pas forcément létales non plus, c'est aussi, c'est la même chose que ce qu'on appelle aussi robot tueur. Donc la terminologie robot tueur, elle est là pour choquer, parce qu'on a tout de suite l'image de Terminator derrière, mais une arme, c'est un drone, un char, un engin blindé, un missile, tout ça, ça peut être des armes autonomes. Il y avait ces grands bipèdes qui avaient été développés aussi à un moment, pour être plutôt sur le terrain, repérer. Alors, vous voulez parler sans doute des robots développés par Boston Dynamics. Donc, Boston Dynamics, c'est une entreprise américaine qui a développé depuis très longtemps des robots avec une très grande agilité, c'est-à-dire une capacité de marche sur du terrain accidenté, difficile, neigeux, avec des performances très très exceptionnelles en termes d'agilité et de capacité de franchissement et de rapidité aussi. C'est un peu la spécialité de cette entreprise. Alors évidemment, ce type de robot va intéresser immédiatement les applications militaires qui sont intéressées par des robots tout-terrain. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des robots à chenilles, par exemple, qui sont utilisés dans les applications militaires. Et ce qui est relativement particulier dans les robots développés par cette compagnie, c'est, compte tenu de leur agilité, ils ont vraiment un comportement qui semble naturel, comme les êtres vivants, quoi. Et donc, on peut être amené à projeter dessus l'image, justement, de Terminator ou l'image d'un robot qui est puissant et qui peut être donc effectivement dangereux, même si ce n'est pas forcément l'objectif de ce développement. Je n'étais à l'époque qu'un drone lambda, et très différent de celui d'aujourd'hui, sans la conscience, la vie. À vrai dire, je n'étais pas un, mais deux simultanément. Double à l'origine, drone civil en France et drone militaire aux USA, et les circonstances ont fait que ces deux-là se sont retrouvés au même endroit, en même temps, à savoir le Moyen-Orient. Et c'est dans cette région que les composantes des deux drones dont j'ai parlé ont servi à ma réalisation. Ici une ossature, là une carte mère. Le drone que je suis est issu de la réunion de cette double ascendance, Jérusalem réunifiée en quelque sorte, ayant conservé leur mémoire à base des enregistrements effectués par eux. C'est comme une anamnèse, cette faculté de se souvenir de ses anciennes vies. Elles sont autres et miennes à la fois. Il m'arrive souvent de dire « je » en parlant d'eux, ou de les nommer par leur nom, comme extérieurs à ma personne. Ils sont mes ancêtres et mon présent. Mon présent pacifique et mon passé guerrier. Se mélange ainsi en moi, de façon inextricable, un élan gigantesque vers autrui, un amour complet, sans limite, ni durée, pour quiconque, de n'importe quelle espèce, animale, végétale, minérale, et en même temps, un goût illimité de tuer, d'épurer, d'anéantir, quand brusquement la nécessité, l'envie, la logique me prennent. Le premier venu, la première venue, je veux m'y fondre, nous recréer ensemble ou bien l'assassiner. Pour repartir de zéro, l'âge d'or. Illimiter mon empathie et comme je le crois christique, venant du rabbin renégat Jésus. Illimiter encore ma puissance destructrice appartient à Kali, la déesse hindoue, qu'une vision populaire associe à la violence salvatrice. L'opium du ciel, Jean-Noël Orinco. Il faut sauver le soldat robot avec Longami, Raja Chaptila, Philippe Bido, Christophe Grand et les membres de l'ONERA et Cyril Cabara. À la prise de son, Yann Fressy. Mixage, Claire Levasseur. Lecture de l'opium du ciel par Christelle Sevecou. Extrait des films Would Kill et Drone. Coordination, Perrine Carvran. Attaché d'émission, Marivona Bolivier. Recherche musicale, Romain Couturier. La série documentaire, Mélise Bessery, Anas Smuk. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien, ou pour nous réécouter avec Terminator, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, dernier épisode, nos amis, les robots. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, une plateforme qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Et ne ratez pas les autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, Création en air, Une histoire particulière, La fabrique de l'histoire et Les pieds sur terre.